le ministère de la Santé vous informe. C'est pour ça qu'il utilise la musique pour pouvoir faire passer ses messages contre la prévention. Pour la prévention. Dans la bringue, ça fume, c'est dingue, ça sent suppositoire. Viens ma belle, viens ma gazelle, aspirer ce buvard. C'est pas très bien de se défoncer, c'est pas très bien de se défoncer, c'est pas très bien de se défoncer, allez-ro, allez-ro. C'est pas très bien de se défoncer, c'est pas très bien de se défoncer, c'est pas très bien de se défoncer, au bédo, au bédo. Allez, allez, allez, allez-ro, allez, allez, allez, allez, allez-ro. Allez, allez, allez, allez-ro, allez, allez, allez, allez-ro. C'est bédo, c'est pas très bon, héros. C'est pas très bon. Non, non, non, c'est pas très bon. Le vélo, c'est pas très bon. L'héros, c'est pas très bon. Le vélo, oh, oh, oh. Dans la bringue, ça fume, c'est dingue. Ça sent suppositoire. Suppositoire, ah, ah, ah. Viens, ma belle, viens, ma gazelle. Aspirer ce buvard. La fumée, ce pétard, c'est pas très bien de se défoncer. C'est pas très bien de se défoncer. C'est pas très bien de se défoncer. Allez-ro, allez-ro. C'est pas très bien de se défoncer. C'est pas très bien de se défoncer. C'est pas très bien de se défoncer. Allez-ro, allez-ro. Allez, allez, allez, allez, allez-ro. Allez, allez. Viens ma belle, viens ma gazelle, fumez sur ce pétard. C'est pas très beau de se défoncer, c'est pas très beau de se défoncer. C'est peut-être un spot publicitaire du ministère de la Santé. Alors retenez bien les jeunes, c'est pas très bien de se défoncer. Les héros, c'est pas très bon. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez.